Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 47. Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi sur la terre. Il n'y a pas de trône pour la fille des Chaldéens. Tu ne seras plus appelée délicate et tendre. Tourne la meule, fais moudre la farine, mets à nu ta honte, et découvre ton épaule, relève ta robe, passe des fleuves. Ton ignominie sera dévoilée et on verra ton opprobre. Je me vengerai et pas d'homme ne me résistera. Notre Rédempteur, son nom est le Seigneur des armées, le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et entre dans les ténèbres, fille des Chaldéens, parce que tu ne seras plus appelée dominatrice des royaumes. J'ai été irritée contre mon peuple, j'ai traité comme une chose souillée mon héritage, et je les ai mis en ta main. Tu ne leur as pas accordé de miséricorde. Sur le vieillard tu as appesanti ton joug, outre mesure. Et tu as dit, « À jamais je serai souveraine. » Tu n'as pas mis ces choses sur ton cœur, et tu ne t'es pas souvenue de ton dernier moment. Maintenant écoute ceci, voluptueuse, qui demeure en pleine assurance, qui dit en ton cœur, « Moi je suis, et il n'y a hors de moi personne plus. » Je ne resterai pas veuve et j'ignorerai la stérilité. Ces deux mots te viendront soudain, en un jour, la stérilité et l'aviduité. Tous viendront sur toi, à cause de la multitude de tes maléfices, et à cause de la dureté violente de tes enchanteurs. Et tu as eu confiance dans ta malice, et tu as dit, il n'y a personne qui me voit. Ta sagesse et ta science, c'est ce qui t'a séduite. Et tu as dit dans ton cœur, moi je suis, et hors moi il n'y en a pas d'autre. Il viendra sur toi un malheur, et tu ne seras pas son origine. Il fondra sur toi une calamité que tu ne pourras conjurer. Il viendra sur toi soudainement une misère que tu ne connaîtras pas. Pareil avec tes enchanteurs et avec la multitude de tes maléfices auxquels tu t'es appliqué dès ta jeunesse, pour voir si par hasard quelqu'un d'eux te sera utile, ou si tu pourras devenir plus forte. Tu as défailli dans la multitude de tes conseils. Qu'ils paraissent et qu'ils te sauvent ceux qui observaient le ciel, qui contemplaient les astres et supputaient les mois, afin de t'annoncer par ce moyen ce qui doit arriver. Voici qu'ils sont devenus comme de la paille. Un feu les a brûlés. Ils ne délivreront pas leurs âmes de la main de la flamme. Ce ne sont pas des charbons ardents avec lesquels on se chauffe, ni un foyer auprès duquel on s'assied. Ainsi sont devenues toutes ces choses auxquelles tu t'étais appliqué. Ceux qui ont trafiqué avec toi dès ta jeunesse ont erré, chacun dans sa voie. Il n'en est pas qui te sauve. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.